بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. On va voir dans le cours d'aujourd'hui qu'est-il recommandé de prendre pour rompre le siyam. On lit le hadith numéro 11. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit « Rompez le siyam avec des dattes, et si vous n'en trouvez pas, alors avec de l'eau, car elle purifie. » Ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, Abu Daoud et d'autres est da'if, est faible. Cheikh Al-Albani considère ce hadith faible, mais il a dit que la pratique était avérée, c'est-à-dire que les musulmans ont pour habitude de rompre le siyam avec des dattes. Donc cette pratique-là est avérée. La question qu'on va voir ici est « Qu'est-il recommandé de prendre pour rompre le siyam ?» Le hadith qu'on vient de lire indique qu'il est recommandé de rompre le siyam avec des tamres. Mais comme on l'a dit, ce hadith-là est faible, il n'est pas authentique. Mais il y a un autre hadith rapporté par Tirmidhi d'après Anas ibn Malik, qui a dit que le prophète, alayhi salatu wasalam, mangeait avant d'accomplir la salat. Alors il prenait soit des rotab, c'est-à-dire des dattes fraîches, ou sinon, s'il n'y en avait pas, il prenait des tamres, des dattes sèches, ou sinon, il buvait quelques gorgées d'eau. Cheikh Moqbul considère ce hadith Hassan. Il a dit qu'il était bon, comme il l'a cité dans le Jami' al-Sahih. Mais Cheikh Mohamed bin Hizam a dit que certains hufat, que certains spécialistes du hadith, ont critiqué ce hadith. C'est le cas, par exemple, d'Abu Hatim et d'Abu Zora. Donc, ils ont critiqué ce hadith-là. Ils ont dit que ce hadith-là avait une faiblesse. Mais dans tous les cas, Cheikh Mohamed bin Hizam a dit que les dattes étaient quelque chose d'excellent. Donc il est bon de rompre le siyam avec des dattes. Les dattes ont beaucoup de bénéfices. Elles ont beaucoup de profits. Donc par exemple, les dattes sont une source immédiate d'énergie. Et aussi, elles contiennent des fibres, ce qui facilite la digestion. Donc dans tous les cas, il est bon de rompre le siyam avec des dattes. Deuxième question, on va s'intéresser aux invocations, aux du'a au moment de rompre le siyam. Cheikh Mohamed bin Hizam a dit qu'il y avait plusieurs invocations qui ont été rapportées au moment de rompre le siyam. Alors, on va citer la première qui est Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ce hadith-là est rapporté par Dharqutni. Mais Cheikh Mohamed bin Hizam a dit que ce hadith-là était da'if, était faible, car il y a dans la chaîne de transmission Abd al-Malik ibn Harun. Il y a également son père qui est da'if dans le hadith. Donc ce hadith-là est da'if. Il y a également un autre hadith qui est parvenu d'après At-Tabarani avec cette version-là. Bismillah, Allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart. Et Cheikh Mohamed bin Hizam a dit que ce hadith-là était également faible, car il y a dans la chaîne de transmission Ismail bin Amr qui est da'if dans le hadith. Il a cité, Cheikh Mohamed bin Hizam a cité que le meilleur des hadiths qui soit parvenu est ce hadith-là qui a été rapporté par Abu Daoud d'après Ibn Omar, qui a dit que le prophète alayhi salatu wasalam a dit « Dhaaba dhama wa btallat al-uruk wa thabat al-ajr inshallah ». Cheikh Mohamed bin Hizam a cité que ce hadith-là avait également une faiblesse. Il est faible car il y a dans la chaîne de transmission Marwan bin Salim qui est majhoul al-hal. Son état est inconnu. Donc en résumé, tous les hadiths qui sont parvenus concernant les du'a au moment de rompre le siyam ont une faiblesse et ne sont pas authentiques. Mais par contre, Cheikh Mohamed bin Hizam a cité ce hadith rapporté par Ibn Majah où le prophète alayhi salatu wasalam a dit il informait qu'il y avait trois catégories de personnes dont les du'a n'étaient pas rejetées. Et parmi ces catégories-là, il a cité c'est-à-dire celui qui jeûne jusqu'au moment de rompre le siyam. Donc dans tous les cas, il est bon de faire beaucoup d'invocations lorsqu'on jeûne. Lorsqu'on jeûne, il est bon d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, de faire beaucoup de du'a, car les du'a ne sont pas rejetés. La question suivante est, comment faire dans les pays où les journées sont très longues? Ici, on a deux cas de figure. Dans les pays qui ont une journée et une nuit, il faut jeûner. Même si la journée dure par exemple 20 heures, et que la nuit dure 4 heures, eh bien, il faut jeûner pendant 20 heures. Si on peut distinguer une journée et une nuit dans ce pays-là, il faut journer la journée, même si cette journée-là est très longue. Le deuxième cas est si la nuit dure plus de 24 heures dans ce pays-là. Alors dans ce cas-là, il faut se baser sur le pays le plus proche qui a une nuit et un jour et jeûner comme ce pays-là. C'est la fatwa qu'a émise Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi. On continue avec ce qui concerne الوصال, c'est-à-dire le jeûne continu. On lit le hadith numéro 12. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الوصال. Le prophète عليه الصلاة والسلام a interdit الوصال. الوصال est le jeûne continu, qui consiste à jeûner deux jours ou plus d'affilée sans manger pendant la nuit. فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل. Quelqu'un lui a demandé, tu lui as dit, mais toi, ya Rasulullah, tu pratiques le wissal, tu jeûnes en continu. Faqal, wa ayyukum mithli. Le prophète lui dit, qui parmi vous m'est semblable? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Il dit, durant la nuit, mon Seigneur me nourrit et m'abreuve. Bata yabitu, on a déjà vu ce verbe-là, qui indique quelque chose qui se produit pendant la nuit. Donc il lui a dit, durant la nuit, mon Seigneur me nourrit et m'abreuve. فَلَمَّا أَبَ وَيَنْتَهُ عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ وَيَوْمًا. Et lorsqu'il a vu qu'il ne respectait pas l'interdiction, le messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, jeûna avec eux sans rompre un jour. ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَاهُ الْهِلَالِ فَقَالَ لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالِ لَزِدْتُكُمْ. Il jeûna donc un jour, puis un autre, puis ils observèrent l'Hilal, la nouvelle lune, et il leur dit, si la nouvelle lune avait tardé, je vous aurais ajouté d'autres jours. C'est afin de les dissuader de continuer à jeûner en continu. Ce hadith-là est rapporté par le Bukhari et Muslim. Et ici, on va faire une petite remarque. Ce n'est pas par désobéissance que les sahaba, que les compagnons ont continué à jeûner. Les compagnons sont ceux qui s'empressent le plus rapidement d'obéir au prophète, alayhi salatu wasalam. Donc, s'ils n'ont pas respecté cette interdiction-là, c'est en fait qu'ils ont pensé que le prophète, alayhi salatu wasalam, a eu peur pour leur santé. Donc, ils se sont dit, le prophète a peur pour notre santé, mais nous, on se sent capable de jeûner en continu. On a la capacité de jeûner en continu. Donc, voilà, ce n'est pas par désobéissance qu'ils ont continué à jeûner, mais ils ont pensé que le prophète a eu peur pour leur santé et eux se sentaient capables de jeûner en wissal, en continu. Premièrement, on va s'intéresser au sens de la parole du prophète, alayhi salatu wasalam, yut'imuni rabbi wa yasqini. Mon Seigneur me nourrit et m'abreuve. Certains savants ont expliqué qu'Allah azza wa jalla accordait de la vraie nourriture et de la vraie boisson au prophète, alayhi salatu wasalam. Mais cet avis-là a été critiqué, car si c'était de la vraie nourriture et de la vraie boisson, eh bien, le prophète, alayhi salatu wasalam, ne serait pas considéré en état de wissal, en état de jeûne continu. Car le jeûne continu consiste à jeûner deux jours ou plus d'affilée sans rien manger pendant la nuit. Et ce qui appuie ce sens-là, et qu'il est parvenu à hadith avec ces termes-là, « Inni adhillu yut'imuni rabbi wa yasqini ». « Dhalla yadhillu » en arabe signifie quelque chose qui se produit pendant la journée. Donc le sens est « Allah me nourrit et m'abreuve » pendant la journée. Donc si c'était de la vraie nourriture, eh bien le prophète, alayhi salatu wasalam, ne serait pas considéré comme étant sa'im, comme étant en état de siyam. Et d'autres savants ont dit qu'Allah azza wa jalla accordait une quwwa, qu'Allah azza wa jalla accordait une force et une vigueur au prophète, alayhi salatu wasalam, qui le dispensait de nourriture et de boisson. Et c'est ce qu'a cité l'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, qui a dit que le cœur du prophète, alayhi salatu wasalam, était tellement occupé par dhikrullah qu'il se dispensait de nourriture. Donc l'avis le plus juste est cet avis-là, comme l'a cité Cheikh Mohammed Mahizam. Donc le sens est qu'Allah azza wa jal accorde une quwwa, une force, une vigueur au prophète. Il lui accorde la force de celui qui mange et la vigueur de celui qui boit. Et cette quwwa-là le dispense de nourriture. La question suivante concerne le jugement du wissal. Est-il permis de jeûner deux jours ou plus en continu sans manger pendant la nuit? Certains savants ont dit que cela était permis pour la personne qu'il supportait. Et Ibn Abi Shayba a rapporté avec des chaînes de transmission authentiques que Abdullah ibn Zubayr jeûnait parfois pendant 7 jours en continu, et même parfois pendant 15 jours. Et c'est l'avis également d'autres personnes, comme par exemple la sœur d'Abu Sa'id al-Khudri. Et parmi les tabi'in, c'est l'avis de Abdurrahman ibn Abi Nu'm, également d'Ibrahim al-Taymi. Donc ces personnes-là ont dit que la personne qui en avait la capacité, qui supportait ce jeûne-là en continu, pouvait jeûner en continu. D'autres savants ont dit que cela était makruh, c'est-à-dire déconseillé. Ils ont dit que vu que le prophète alayhi salatu wasalam, l'a interdit mais l'a fait, cela n'est pas interdit mais seulement déconseillé. C'est l'avis d'Al-Hanabila et c'est l'avis qu'a choisi l'imam Shawkani. Et le troisième avis est que cela est interdit et le wissal est interdit. C'est l'avis de la majorité des savants, parmi eux l'imam Malik, l'imam Shafi'i, Abu Hanifa et d'autres. Et ils ont expliqué que le prophète alayhi salatu wasalam, l'a interdit et l'a fait pour leur faire comprendre d'arrêter, pour les dissuader de continuer de jeûner en continu. Et ils ont dit que cela faisait partie des spécificités du prophète alayhi salatu wasalam. Donc al-wissal est spécifique au prophète alayhi salatu wasalam. C'est quelque chose qui lui est propre. Et c'est pour cela qu'il a dit « Qui d'entre vous m'est semblable ?» Donc Cheikh Mohammed ibn Hizam a dit que la vie le plus juste était qu'il était interdit de jeûner en continu. Et que cela a été réservé au prophète, alayhi salatu wasalam. Et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi. La question suivante est, est-il permis de poursuivre le siyam jusqu'en fin de nuit? L'imam Ahmed, Ishaq et d'autres savants sont d'avis qu'il est permis de poursuivre le siyam jusqu'en fin de nuit. Ils se sont appuyés sur le hadith où le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit فَإِيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلْ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحَرُ. Celui d'entre vous qui veut continuer le siyam, qui veut poursuivre le siyam, qu'il le poursuive jusqu'en fin de nuit. Ce hadith-là est rapporté par le Bukhari. Donc, il est permis de poursuivre le siyam jusqu'en fin de nuit, mais mieux vaut délaisser cela, car on va rater le mérite du fait de hâter la rupture du siyam au coucher du soleil, comme on l'a déjà vu dans les chapitres précédents. Cela est permis, mais déconseillé. Il vaut mieux ne pas faire cela. On continue avec ce qui concerne les interdits pendant siyam. On lit le hadith suivant. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشربه. رواه البخاري. Dans ce hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit que celui qui ne délaisse pas قول الزور. قول الزور est quelque chose de général. C'est tout ce qui s'oppose à la vérité, que ce soit les mensonges, la calomnie, les faux témoignages ou autres. Donc, il a dit que celui qui ne délaisse pas ces choses-là, ou le jahl également. Le jahl ici, ce n'est pas l'ignorance. C'est khilaf rujd. C'est le contraire de la droiture. C'est le fait d'agir en commettant des choses qui sont insensées, comme par exemple le fait d'insulter les gens et de les calomnier. Donc le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit que celui qui ne s'abstient pas de faire ces choses-là, comme le zur, ou l'amal bi, ou le jahl également, Allah azza wa jal n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Ce hadith est rapporté par le Bukhari. Donc ici, la première question va concerner la parole du prophète, alayhi salatu wasalam, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَ فِي أَنْ يَضَعْ طَعَامَ وَشَرَبَ. Que signifie la parole du prophète? Allah n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. L'imam Ibn Battal a expliqué qu'il ne fallait pas comprendre de cette parole-là que celui qui ment, par exemple, n'a pas besoin de jeûner. Non, il ne faut pas comprendre le hadith de cette manière-là. Le sens est que le prophète, alayhi salatu wasalam, a mis en garde contre ces choses-là. Le prophète a mis en garde, a prévenu contre ces choses-là. Celui qui jeûne ne doit pas mentir, ne doit pas calomnier, ne doit pas faire de faux témoignages et autres. Donc il ne faut pas comprendre que celui qui ment ou calomnie les gens au midi doit cesser de jeûner. Non, c'est une mise en garde du prophète contre ces choses-là. La question suivante est, est-ce que la médisance et les péchés invalident le siyam? Al-Auza'i est d'avis que la médisance invalide le siyam. Et Ibn Hazm a dit que tous les péchés, que toutes les désobéissances invalidaient le siyam. Il s'est basé sur un hadith rapporté par l'imam Ahmed où le prophète alayhi salatu wasalam a dit رُبَّ الصَّائِمْ لَيْسَ لَهُ مِنْ سِيَامِهِ إِلَى الْجُوعِ. Certaines personnes qui jeûnent n'obtiendront de leur siyam que la fin. Donc ils ont dit que la seule chose qu'ils tireront, qu'ils obtiendront de leur siyam est la fin. Donc par conséquent, ces choses-là invalident le siyam. Et la majorité des savants est d'avis que cette personne-là a commis un péché, avec ses qawl zour, en commettant ce péché-là, que ce soit la médisance ou les péchés, mais que cela n'invalide pas le siyam. Et c'est ce qu'a expliqué l'imam al-Nawawi. L'imam al-Nawawi a dit qu'en fait, eh bien, cette personne-là n'obtiendra pas le mérite complet du siyam si elle ne délaisse pas ces choses-là, si elle ne délaisse pas les mensonges, les calomnies, les faux témoignages et autres. Donc, à partir de là, ces choses-là diminuent la récompense du siyam, mais n'invalident pas le siyam. Et Cheikh Mohammed bin Hizam a dit que c'était la vie le plus juste. Donc, la vie le plus juste est que les péchés diminue la récompense du siyam mais n'invalide pas le siyam. Et ce qui indique cela est que le prophète alayhi salatu wasalam a attribué un siyam à cette personne-là. Voilà, il n'obtiendra de son siyam. Donc il lui a attribué un siyam, mais il a nié la récompense de ce siyam-là. Donc il a cité qu'ils avaient un siyam, il leur a attribué un siyam, mais pas la récompense de ce siyam. La seule récompense qu'ils obtiendront de ce siyam est la faim et la soif. Donc en résumé, les péchés diminue la récompense du siyam mais n'avalait pas le siyam. Et ici, on va rapporter une très bonne faïda qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi dans son commentaire de Bulugh al-Maram. Il a cité une règle générale d'après Ibn Rajab. Ibn Rajab a cité que si une interdiction était générale, si elle ne concernait pas une ibada, une adoration, eh bien dans ce cas-là, elle n'invalidait pas cette adoration-là. On va donner un exemple. Le fait de mentir, de faire des faux témoignages, d'insulter et autres, est quelque chose de général. On n'a pas le droit de faire cela tout le temps. D'accord ? Eh bien, dans ce cas-là, si on commet ces choses-là pendant qu'on accomplit le siyam, pendant, par exemple, on va choisir comme un ibada le siyam, si on commet ces choses-là en période de siyam, ces choses-là n'invalident pas le siyam. Tandis que si l'interdiction d'une chose concerne cette ibada, on va donner l'exemple avec le siyam, eh bien, elle invalide cette chose-là, elle invalide cette ibada. Par exemple, le fait de manger et de boire. Il est interdit de manger et de boire en période de siyam. Tout le reste de l'année, on a le droit de manger et de boire pendant la journée. C'est lorsqu'on jeûne qu'on n'a pas le droit de manger et de boire pendant la journée. Donc, si on fait cela, eh bien cela invalide le siyam. Si on mange et qu'on boit pendant la journée, alors qu'on jeûne, cela invalide le siyam. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Si l'interdiction de commettre une chose est générale, comme on l'a dit, le fait de mentir, de faire des faux témoignages, d'être grossier, d'insulter les gens, cela est toujours interdit. Ce n'est pas seulement en période de siyam qu'on n'a pas le droit de faire cela. C'est toute l'année, c'est tout le temps. Eh bien, dans ce cas-là, ces choses-là n'invalident pas à la ibada qu'est siyam. D'accord ? Donc, elles diminueront la récompense du siyam, mais n'invalideront pas le siyam. Tandis que si l'interdiction de faire une chose est rattachée à cette ibada, comme le fait de manger et de boire, eh bien, dans ce cas-là, elles invalident le siyam. Le fait de manger et de boire est interdit seulement en période de siyam. Le reste de l'année, on a le droit de manger et de boire pendant les journées. D'accord ? Donc, ces choses-là, si on les commet pendant qu'on fait cette ibada-là, eh bien, elles invalident cette ibada, elles invalident cette adoration-là. Voilà donc une très bonne faïda qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin d'après Ibn Rajab. Donc, voilà pour ce dars. On a vu ce qu'il était recommandé de prendre lors du moment de la rupture du siyam, et également le fait de jeûner en continu, et également ce qui concernait le fait de commettre des péchés lorsqu'on jeûne. Wa ilayhi wa alhamdulillahi rabbil alamin.